bonjour et bienvenue dans En Piste les Artistes pour cette seconde émission. Emmanuel Fitou, toujours fidèle au poste. Alors on va revenir un petit peu en arrière dans le passé, là où moi j'ai commencé mes études de théâtre il y a 3 ans. J'ai été dans une école à Agen qui s'appelle le Théâtre École d'Aquitaine, qui est au sein d'un lieu qui s'appelle le Théâtre du Jour. Et pour en parler, nous avons avec nous Romain Faure, qui en plus va avoir la double étiquette d'ancien élève et de professeur. Romain, bonjour. Bonjour. Alors Romain, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Théâtre du Jour? Qu'est-ce que c'est précisément? Le Théâtre du Jour, c'est déjà un lieu qui a été créé par un grand homme de théâtre qui s'appelle Pierre Debauche, et qui est un petit peu la résolution de toute son aventure théâtrale depuis les années 60. C'est un homme qui a créé de nombreux théâtres, de nombreux festivals, et qui rêvait d'avoir un lieu à l'intérieur duquel il y aurait une école de formation. Et donc oui, pour résumer un petit peu, donc au sein de ce lieu, il y a donc à la fois le Théâtre École d'Aquitaine, l'école, et la compagnie Pierre Debauche, la compagnie professionnelle. Exactement, son idée, c'était quand il s'est installé en 1994, c'était que le lieu accompagne à la fois une école de formation et que sa compagnie puisse jouer avec les élèves pendant la formation. Et alors pour le coup, cette école, elle a quand même un fonctionnement un petit peu particulier qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est l'aspect unique de l'école, c'est que tout au long de la partie, on va dire, pédagogique, on a pendant 3 années la possibilité de jouer entre 50 et 100 fois par an pour les élèves en formation. Et il n'y a aucune école, en effet, en France, en tout cas, peut-être même en Europe et dans le monde, qui propose cette pédagogie. C'est-à-dire que le matin, on a classe avec les professeurs. L'après-midi, on répète, parfois avec les professeurs sur le plateau. Et puis le soir, on joue devant un public dans une salle de 98 places qui est ouverte toutes les semaines de l'année, avec aussi parfois des reprises de spectacles en tournée ou dans des festivals. C'est ça, dans les tournées, ça se joue un petit peu partout? Voilà, l'idée c'est que les élèves puissent à la fois découvrir un espace théâtral classique, dans un théâtre municipal, une scène conventionnée, un centre dramatique ou un grand festival, mais aussi pouvoir travailler dans des lieux où il n'y a pas du tout de structure adaptée et qu'on aille dans des petits villages, sur des places de village, dans des lieux on va dire, où la technique est moins abondante. Alors pour le coup, ce qu'il y a d'autant plus particulier dans cette école, c'est que les élèves qui font cette formation ont une licence à la sortie. Oui. Depuis le protocole de Bologne en 1999, toutes les écoles d'art ont obligation, ou alors elles sont des écoles privées, de rentrer dans le système qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat. Alors au Conservatoire de Paris aujourd'hui, il y a même un doctorat de mise en scène où on peut travailler et obtenir un doctorat de mise en scène. Nous, ici à Agen, on a une licence art du spectacle avec l'Université d'Angers qui permet de valider ses études comme n'importe quel étudiant en France dans une université. Et pour le coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite nouveauté cette année en plus. Alors, la grande nouveauté, c'est qu'après 3 années de travail dans le cadre de la licence et après une inspection du ministère de la Culture, on a obtenu le 28 juillet, par ordonnance du ministère de la Culture, le label de Nouvelle École Nationale Supérieure d'Art Dramatique, comme les écoles à travers la France, les 12 autres écoles en France. On est donc la 13e école nationale supérieure de théâtre. Ce qui est quand même un grand avantage. Ça peut paraître surprenant qu'une école à Agen puisse délivrer ce fameux diplôme. C'est quand même une grande nouvelle. Et pour le coup, maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu enseignes, toi, au sein de cette école? Alors, j'enseigne ce que j'ai appris déjà. C'est-à-dire qu'un petit peu comme quand j'étais élève ici, l'idée, c'est de rencontrer des personnes, avant tout, des êtres humains, et qu'on se développe dans la pédagogie de chacun d'eux. Des fois, des pédagogies qui sont diamétralement opposées. Moi, ce que m'a proposé Pierre Debauche, c'est de parler de la scénographie, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'ai fait des études supérieures sur cette thématique-là. Parler de la poésie aussi, parce que c'est une thématique que Pierre Debauche a toujours voulu nous transmettre, et la façon dont il écrit ses textes aussi est sous forme de poésie. Et puis enfin, l'histoire du théâtre, avec, on va dire, le prisme à la fois de la dramaturgie, des écritures contemporaines, des courants historiques, voilà, pour qu'il y ait une chose très très large. Là, on a commencé beaucoup sur les auteurs, metteurs en scène contemporains, puisque dans le cadre de ce cours sur l'histoire du théâtre, On a pu accueillir des gens comme Checky Cario, comme prochainement, demain, on va avoir la chance d'accueillir Joël Pomera. Il y a eu des acteurs de Bellorini. Voilà, il y a un certain nombre d'artistes qui viennent dans l'école et on en profite pour parler de leur théâtre, parler aussi de leur courant, souvent, de théâtre, de leur formation, et puis ouvrir à d'autres esthétiques que les élèves connaissent parfois pas du tout. Et alors, pour le coup, on a vite fait évoqué Pierre Debauche. Mais sans trop rentrer dans les détails, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu cette personnalité qui est Pierre. Pierre Debauche, chacun a son Pierre Debauche, j'ai envie de dire, mais il est sûr que Pierre Debauche est un des derniers grands maîtres du théâtre, qu'il a modifié totalement la façon d'enseigner le théâtre, puisque sa pédagogie aujourd'hui est reconnue donc, par le ministère, mais elle était reconnue avant cela, dans les années 70, puisqu'il était enseignant pendant 11 ans au Conservatoire de Paris, qu'avant il avait créé une école à Nanterre accolée au Théâtre des Amandiers qu'il avait créé, qu'il a aussi créé le Théâtre Daniel Sorano à Vincennes, qu'il a créé le Festival des Francophonies à Limoges, qu'il a collaboré à la création du Théâtre de la Soif Nouvelle avec Aimé Césaire, donc dans ces belles îles des Dom-Tom. On a un homme qui a construit le Théâtre de la Décentralisation à partir des années 60, et qui a développé au fur et à mesure de sa vie la diffusion du théâtre, tant d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire, comme on l'a vu avec Checky Cario, qui était un ancien élève de l'ancienne maison de la culture de Vincennes, jusqu'à enseigner au conservatoire, mais aussi transmettre à Madagascar, au Mexique, en Égypte, dans des pays où le théâtre n'est pas forcément beaucoup développé, et Pierre n'a eu de cesse de vouloir apporter le théâtre au plus grand nombre. Et pour le coup, ça me fait penser à quelque chose. Pierre a, comme tu l'as dit, je crois, beaucoup écrit quand même, puisqu'il a écrit plusieurs œuvres, dont Flandrin acteur, dont des recueils de poésie également, Les sensations insolentes, entre autres. Et toi aussi, il me semble que tu as écrit, Romain. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment très intéressant de parler de moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parce que Pierre nous a donné des cours d'écriture, il y a toujours eu une volonté aussi de la part de l'école de dire que les comédiens avaient aussi la possibilité d'écrire. Donc écrire des œuvres, moi j'ai eu la chance d'adapter avec Christophe Chaumette qui était dans ma promotion en 98 le Capitaine Fracasse, qu'on a joué au Théâtre du Jour avec 25 comédiens, c'était extraordinaire. Pierre m'a aussi offert la possibilité de créer mon théâtre du petit jour dès le premier mois où j'ai été là avec un spectacle qui s'appelle L'Escapade, et qui a été diffusé après en Espagne, en Allemagne, en Grèce, au Maroc, en Algérie, et puis en France, évidemment. Et puis, ça, c'est ma partie, on va dire, spectacle, pièce de théâtre. Et puis, il y a un autre pan de mon travail d'écriture qui est plus sur l'aspect universitaire, où là, j'ai écrit des ouvrages sur la thématique vraiment de la scénographie. Et il y en a un prochain qui va sortir là, au mois de janvier, qui sera la deuxième partie de l'anthologie, qui s'appelle « Du décor à la scénographie », et qui traite d'espaces qui sont jamais traités dans les ouvrages, aussi bien du Groenland, de l'Afrique, de l'Indonésie, de Bali, de l'Amérique du Sud, de Nouvelle-Guinée, de tous ces espaces qui sont non occidentaux et qui ont une culture et une technicité très développée sur la scénographie dans le monde. Voilà. À titre d'information, moi je me permets de recommander, puisque ça a été un ouvrage que j'ai lu, que j'ai énormément admiré, ton livre sur la scène circulaire qui est... une véritable encyclopédie de la scène circulaire et qui est très très intéressant. Et pour le coup, tu as parlé des petits jours, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique à cette école. Ouais. Dès le départ, pas la première année, mais la deuxième année, Pierre a proposé que les élèves qui étaient en formation puissent s'aguerrir en mise en scène, et donc d'écrire, mettre en scène, et jouer parfois, avec leurs camarades, un texte original. Parce qu'il voulait constituer un espèce de répertoire pour le jeune public. On est en 95 et le jeune public n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui, comme on l'entend aujourd'hui. Et tous les mois, il y avait une possibilité pour un des élèves de la troupe de mettre en scène et d'écrire son spectacle. Donc évidemment, c'est très formateur parce qu'on se retrouve tout de suite confronté aux problèmes techniques, aux problèmes de répétition, aux problèmes évidemment de comment faire pour que cela fonctionne tout simplement. Et puis, au fur et à mesure des années, 7-8 ans après, Pierre a institué ça dans le cadre pédagogique pour que la troisième année, les élèves proposent un projet, il est sélectionné par les enseignants et la programmation se fait avec tous les élèves et les 4, 5, 6 projets en fonction des propositions et des bonheurs qu'ils trouvent pour faire la programmation jeune public. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a un public tout frais, tout neuf, tout vierge, qui nous permet de tester tout de suite, en grandeur nature, notre travail avec des belles anecdotes comme quand on est à l'école, des enfants qui viennent vous voir et puis qui vous retrouvent en bas de chez vous et qui vous appellent du nom du personnage ou qui vous interpellent dans la rue parce qu'ils vous ont vu sur scène. Il y a une proximité avec le jeune public qui est totalement différente d'avec les adultes. Et ça, c'est très gratifiant quand on est à l'école, c'est qu'on a un retour immédiat sur votre travail. Moi, j'en ai fait un souvenir quand j'étais en première année ici au Théâtre du Jour, où je jouais le roi Richard dans Robin des Bois, où en effet, des enfants dans la rue me reconnaissaient, en disant « Ah, c'est le roi Richard là-bas » C'était très très drôle. Ça arrive tout le temps. Voilà. Il faut trouver ça normal, évidemment, de se balader dans la rue et qu'on vous appelle par le nom d'un personnage. Et pour le coup, il y a un terme que tu as utilisé qui, moi, me plaît beaucoup et qui est vraiment spécial, justement, à cette école. Le terme de troupe, pour parler des élèves, il y a presque plus, on va dire, cette hiérarchie de professeurs et d'élèves. On est tous dans une troupe et on joue tous ensemble. C'est ça, moi, que j'aime beaucoup ici. Oui, ça n'enlève pas le fait que, moi, j'ai jamais tutoyé Pierre de Bauche ou Robert Angebot, enfin, les enseignants. J'ai toujours eu cette distance du maître, quand même, qui vous apprend. Mais c'est vrai que quand on est sur le plateau, tout d'un coup, il y a une espèce d'égalité et qui permet aussi d'apprendre plus vite de ses maîtres, c'est-à-dire qu'on se retrouve au même niveau sur la scène et on a la possibilité de jouer avec lui. C'est vrai qu'on se souvient tous d'avoir joué avec Pierre Debauche à un moment donné dans sa formation. C'est un moment assez incroyable parce que c'est un acteur magnifique. Et quand on a très grand metteur en scène. Pour et un aussi. Grand metteur en scène, c'est-à-dire qu'il vous, tout de suite, il valorise la moindre qualité d'un acteur. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est des souvenirs merveilleux dans Cyrano de Bergerac, dans La vie aventureuse de René Descartes, dans voilà, de nombreux spectacles où j'ai eu la chance d'être mis en scène par Pierre Debauche, c'est évident. Et alors pour le coup, tu nous as parlé des cours que toi tu donnais, donc de scénographie et d'histoire du théâtre et de poésie. Et quels sont les autres cours que l'on peut avoir au Théâtre du Jour? Alors il y a des cours de danse, il y a des cours de chant, il y a des cours aussi d'interprétation pure en théâtre contemporain et en théâtre classique. Ça, on va dire que c'est les cours hebdomadaires. Et puis, il y a la volonté aussi d'ouverture vers d'autres esthétiques. Donc, il y a des masterclass et des rencontres artistiques et professionnelles. Donc, il y a de la marionnette, il y a des metteurs en scène qui sont plus liés au cirque, il y a des gens comme Joël Pommerat, comme Tchéky Cario, des gens qui ont voilà, un vécu, mais aussi des gens qui travaillent pour le cinéma. Il y aura un stage cette année avec une masterclass sur le jeu à la caméra pour le cinéma. Il y a une volonté comme ça d'ouverture et de voir, jusqu'à l'écriture hein, évidemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, de toucher à tout pour voir ce qui peut intéresser à la sortie de l'école et surtout avoir tous les outils possible pour pouvoir ensuite travailler et vivre de ce métier. C'est le plus important. Et pour le coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, parce qu'on a beaucoup entendu donc pour le coup parler de toi, parler de Pierre Debauche, mais il y a quand même une grande équipe autour de cette école. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les autres personnes? Alors les autres personnes qui sont là, il y a plein de monde, mais les permanents, c'est donc Véronique Guin qui est en chant, qui était là déjà quand j'y étais en 97, donc qui est, on va dire, un des profs emblématiques. Il y a une autre, on ne va pas dire qu'elle est enseignante, mais une artiste qui est associée, qui est Zabo, avec qui on travaille le chant. En danse, il y a Marilyn Famel, qui travaille beaucoup sur le corporel, la traduction poétique du corps, voilà. Il y a Olivier Dumas, qui est le directeur des études et qui travaille, lui, sur le théâtre contemporain. Cette année, il montrera un texte de Joël Pommerat. Il y a Agnès François, qui travaille, elle, sur le théâtre classique. Donc, Britannicus, Bérénice, enfin, l'Alexandrin, le décasyllabe, etc. Et puis, j'oublie qui? Je crois que je n'oublie personne. Si, il y a Françoise Danel, évidemment. J'oublie Françoise Danel, qui est la créatrice, hein, la cofondatrice avec Pierre Debauche de l'école, et qui donne des cours aussi bien de barre au sol, d'écriture, d'interprétation. Elle fait tout. Elle est multicarte. C'est la femme, évidemment, de Pierre Debauche, c'est un secret pour personne, et qui a imaginé avec Pierre l'installation à Agen dans une ville moyenne, et d'accoler cette école dont elle est enseignante voilà, depuis 23 ans. Et oui, et au-delà de ça, c'est la grande chance pour les élèves, c'est de travailler, quand on travaille sur un spectacle, réellement dans des conditions professionnelles, hein, il n'y a pas d'autre mot, avec un atelier costume, avec Pascal Faure qui s'occupe des costumes, avec également une équipe autour qui s'occupe de l'administration, comme dans une troupe Bien sûr. normale, j'ai envie de dire. Et puis un atelier aussi de décor, hein, de construction, Exactement. avec deux nouvelles qui sont arrivées, deux nouvelles techniciennes, et c'est des femmes, et ça c'est formidable, une électricienne et une puce constructrice, Lucie et Mathilde, qui voilà, travaillent aussi avec les élèves, c'est-à-dire sur la construction de marionnettes, sur la construction de décors, sur le travail de lumière, sur le travail de son. C'est-à-dire que les élèves ont aussi la possibilité d'apprendre pendant leur cursus, et ça n'arrive pas dans les autres écoles nationales, aussi bien la projection, aussi bien la lumière, aussi bien le son, aussi bien la construction de marionnettes, la manipulation de marionnettes, la construction d'un décor. Voilà, ils peuvent même faire les régies des spectacles son et lumière. Donc il y a voilà, la partie technique, on va dire la partie moins visible de la création, qui est aussi en apprentissage possible dans cette école. C'est ça qu'il y a justement de très intéressant, oui. C'est qu'on touche un petit peu à tout, au final, au Théâtre du Jour. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'actualité du Théâtre du Jour? Qu'est-ce qui se joue en ce En ce moment, moment là. et dans les mois à venir, Oh là? là, alors j'ai pas mon programme sous les yeux, mais de mémoire, il y a tellement de choses. Nous finissons là le spectacle Jeune public, le voyage inattendu, qui a été réalisé donc par une élève de troisième année, Aurélie Lejeune. On finit aussi cette semaine La double inconstance de Marivaux, qui a joué un mois. Ensuite, il y a Les Galoches du bonheur, qui est le spectacle jeune public habituel du mois de décembre, joué et interprété par, écrit par Françoise Danel, mis en scène par Françoise Danel et interprété par les élèves de première année. Et puis ensuite, il y a les 25 plus belles chansons de Pierre Debauche, il y a du Hugo, il y a du Audiberti, il y a du Molière, il y a tout un tas de spectacles jusqu'au mois de juin, où là on clôturera donc par le spectacle Cendrillon de Joël Pommerat, mis en scène par Olivier Dumas. Et ensuite, on finira la saison, comme tous les ans, par le Festival d'Agen, le 23e, je crois, du nom, où il y aura des surprises, voilà, des petits biscuits, comme on a eu la chance d'avoir le chanteur Bruno Cali l'année dernière. Eh bien, on aura une autre surprise cette année. Voilà. Ah, ça nous met un petit peu en haleine, on va dire. Et en tout cas, je vous invite à aller consulter le site du Théâtre du Jour pour voir justement ce qui s'y fait, à quelle date. Et je vous invite encore plus à aller voir les spectacles, aussi bien jeunes publics que les grands plateaux, comme on les appelle au Théâtre du Jour. Et puis, pour terminer un petit peu cet entretien, j'aimerais parler d'autre chose qui, moi, m'a beaucoup marqué. On a parlé finalement de troupes, comme quoi les élèves étaient réellement constitués en troupes. Mais je crois même que ça va au-delà. On peut même dire que c'est une grande famille, le Théâtre du Jour, et on se retrouve toujours un petit peu après. Est-ce que toi, justement, tu es resté en contact et tu as continué de travailler avec des anciens élèves de ta promo ou même de d'autres promos? C'est vrai que de plus en plus les élèves, alors nous on ne le vivait pas tellement comme une famille, on le vivait plutôt comme une appartenance à une filiation évidemment avec la figure de Pierre Debauche, c'est-à-dire qu'on se reconnaissait comme les élèves de Pierre Debauche. Et en ce sens-là, quand on rencontrait un ancien élève qu'on n'avait pas croisé mais qui était dans l'école l'année avant nous par exemple et qui était déjà parti, et qu'on le retrouve sur un plateau pour une production en dehors de l'école, ou qu'on croise quand on est dans un théâtre, ou qu'on va voir même lors d'un spectacle, tout de suite, il y a un feeling qui est très singulier, c'est qu'on a l'impression qu'on connaît la même histoire, qu'on fait partie de la même histoire. Donc plus que famille, même si je pense que la nouvelle génération parle plus de ça, je pense que ce n'est pas un hasard si, en tout cas moi, quand j'ai été metteur en scène, j'ai engagé à 98%, peut-être pas tout le temps, mais toujours des gens qui ont suivi cette formation. D'années avec qui j'étais, mais aussi d'années postérieures, c'est-à-dire j'ai engagé des gens qui étaient sortis de cette école. Parce que la manière de travailler, l'esthétique, la compréhension du travail permet aussi d'aller beaucoup plus vite, permet de comprendre la façon dont on travaille. Et ben voilà, c'est aussi quelque chose qu'on a construit dans notre jeunesse, je crois, et que ça nous permet d'avancer aussi dans notre vie d'adulte et de se baser, voilà, sur des personnes en qui on a confiance, en qui on reconnaît aussi la formation, de la même façon que des élèves du Conservatoire de Paris. On travaille plutôt avec des élèves du Conservatoire de Paris. La chose qui divergerait d'avec les autres écoles supérieures, c'est qu'on a la possibilité de revenir au théâtre parce que justement, il y a des spectacles. À la différence de l'école de Montpellier ou de Saint-Étienne ou de Cannes ou de Rennes ou de Strasbourg, c'est qu'il y a un ou deux spectacles par an qui est joué 3 jours. Et évidemment, les anciens élèves ne peuvent pas revenir à l'école sur ces dates-là où c'est trop peu. À la différence d'Agen, où vous pouvez venir toute l'année, n'importe quel jour, le théâtre est toujours ouvert et il y a toujours quelqu'un que vous connaissez qui est dans le théâtre. Et évidemment, ça crée, ça tisse des liens, ça crée des comme un rendez-vous familial où on sait qu'on peut aller retrouver une tante parce qu'elle est au même endroit qu'on l'a laissée il y a 15 ans. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a quelque chose de très singulier au théâtre du jour. Et oui, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais je vous rassure, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission En Piste les artistes. Pour terminer, j'aimerais vous dire ce qui se passe en ce moment du côté du Théâtre du Jour. Du 19 au 28 janvier, vous pouvez voir la pièce Maison à vendre, qui est une comédie en un acte mêlé de chants, texte d'Alexandre Duval, musique de Dalérac, mise en scène Olivier Dumas, accompagnement musical Bastien Lecomte, et ça se joue les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 et dimanche à 16h. Du 14 janvier au 4 mars pour les jeunes publics, se joue la pièce Dans ma tête, il était, écrite et mise en scène par Dorian Lopez, et ça se joue les mercredis et samedis à 16h. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à remercier Romain Faure qui a été mon invité, l'ensemble de l'équipe du Théâtre du Jour, l'ensemble de l'équipe de Radio Montmirail et vous, chers auditeurs. A noter que si vous avez des suggestions à me faire, des retours sur cette émission, n'hésitez pas à me contacter par email emmanuel.fitou@gmail.com. Je tiendrai compte bien entendu de vos suggestions si vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier et également des modifications que vous pensez qu'il faut que je fasse dans cette émission. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.